إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. نعم، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha, le charh du Cheikh Salih al-Fawzan, حفظه الله. Donc on est toujours dans l'explication de la deuxième partie, le premier point dans la deuxième partie de l'introduction de Al-Usul al-Thalatha. Et ce point-là, c'est bien entendu le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a donné le rizq. Il ne nous a pas laissé comme ça, abandonné. Il ne nous a pas abandonné comme ça, sans règles, sans ordre à suivre, sans révélation. Il nous a envoyé des messagers, et celui qui obéit aux messagers, il entre au paradis, et celui qui désobéit aux messagers, il entre en enfer. Donc, et là, on est arrivé au point où le cheikh il mentionne la preuve à ce sujet-là. Donc, il dit: وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. C'est le verset 15 et 16 dans sourate Al-Muzzammil. Versets 15 et 16 dans Surat Al-Muzzammil, c'est-à-dire nous avons envoyé, nous vous avons envoyé un messager comme témoin sur vous, comme nous avions envoyé un messager à Pharaon. Et Pharaon a désobéi au messager, et donc nous l'avons pris d'une manière qui est dure et qui a été une punition pour Pharaon par la suite. Donc ça, c'est le verset qu'on a mentionné, qui est mentionné comme preuve de ce sujet-là. Le cheikh il explique ça, il dit: قوله والدليل أي على إرسال الرسول قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قوله تعالى إن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى وهو ضمير المعظم وهو الضمير المعظم نفسه لأنه عظيم سبحانه وتعالى. أرسلنا كذلك هذا ضمير العظمة، معنى أرسلنا بعثناه وأوحينا إليه. إليكم يا معشر الثقلين الجن والإنس خطاب لجميع الناس، لأن رسالة هذا الرسول عامة لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة. رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم أي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنه بلغكم رسالة الله وأقام الحجة عليكم، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Donc on va expliquer cette partie. Qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan explique ici? Il dit: la preuve Donc la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, nous a donné le risque et ne nous a pas laissé comme ça abandonné avec aucune guidance et qu'il nous a envoyé des messagers, la preuve de ça c'est le verset qu'on a mentionné tout à l'heure dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit nous avons envoyé, notamment nous vous avons envoyé un messager comme témoin pour vous, comme témoin contre vous, comme nous avions envoyé un messager à Pharaon et Pharaon a désobéi au messager, donc nous l'avons pris de façon sévère et dure. Et dans ce verset, comme on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il parle de lui-même en utilisant le pronom qui est le pronom de la deuxième personne ou de la plutôt de la première personne du pluriel. Inna. Hein, inna c'est un article qu'on utilise pour mettre de la force, hein, pour confirmer quelque chose, pour mettre plus de force ou de concentration sur quelque chose, d'insister sur quelque chose. Donc quand on dit inna, ça veut dire certes nous. Hein, c'est comme si tu disais certes nous. Et on voit qu'il utilise le pronom de la deuxième personne du pluriel. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala utilise le pluriel pour parler de lui-même? Parce que ça c'est un pronom qui est utilisé pour montrer la grandeur. Pour montrer la grandeur et la majesté de celui qui parle. Et donc, il parle de lui-même au pluriel pour montrer sa grandeur et son respect. Hein? Parce que c'est... Il est Al-Azim. Il est le très grand, Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ensuite, il dit Arsalna. Arsala, ça c'est le verbe. Hein? Arsala, ça veut dire envoyer. Et c'est la troisième personne du singulier. Mais ici, il dit Arsalna. Ça veut dire nous avons envoyé. C'est la deuxième, c'est la première personne du pluriel. Nous avons envoyé. Arsalna. Arsala, c'est pour la première personne du singulier. Arsalna, ça veut dire nous avons envoyé. Rasoul, Rasoul, Rasoul, ça veut dire celui qui a été envoyé. Celui qui a été envoyé. Des fois, il peut utiliser le pluriel, des fois, il peut utiliser le singulier, ça dépend des fois. Mais, yani, quand il utilise le pluriel, on doit comprendre, contrairement aux chrétiens, yani, qui pensent que ça, c'est une preuve de la Trinité. Hein, ils utilisent ça des fois, même dans l'Ancien Testament, au début de la Genèse, quand il y a un verset dans l'Ancien Testament, le premier verset, au début de la Genèse, ça dit « Créons l'homme à notre image ». Donc eux ils disent ah bon vous voyez ça c'est la preuve que Dieu est trois en un. Donc on mentionne ça pour expliquer justement que si on voit un pluriel ici il faut pas s'imaginer comme les chrétiens s'imaginent que c'est un trois en, que ça veut dire qu'il est plus que un Dieu qu'il est trois en un, tu vois. Il y a les juifs qui lisent ça la même façon et jamais ils ont cru qu'il y avait trois en un ou plusieurs dieux. S'ils parlent au singulier, il parle au singulier s'il veut pour désigner sa personne, ou s'il veut, il parle au pluriel pour montrer sa grandeur et pour montrer sa majesté. Et ça, c'est pas dans le sens du pluriel, d'accord, ou qu'il y a plusieurs dieux. C'est juste pour désigner ça. Mais pourquoi il décide des fois de parler au pluriel, des fois au singulier? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Donc, le cheikh explique, donc, il dit, nous avons envoyé, arsalna. Ça aussi, c'est pour montrer la grandeur. Il dit, nous avons envoyé, ça aussi, il mentionne le pluriel ici pour montrer sa grandeur. Et il dit, ma'na arsalna ba'athnahu wa awhayna ilayhi. C'est-à-dire, quand il dit, nous l'avons envoyé, ça signifie quoi? Ça signifie, nous l'avons fait susciter, hein, nous l'avons envoyé parmi un peuple, et nous lui avons révélé, nous lui avons donné une révélation. Hein, parce que le prophète, le messager, c'est celui qui a reçu une révélation et qui a été envoyé à un peuple. Ensuite, il dit ilaykum. Hein, il dit certes, nous avons envoyé vers vous. Vers vous, de qui il parle? Le cheikh, il dit, il s'adresse à vous, ô assemblée de djinns et assemblée d'êtres humains. Donc, il a envoyé ces messagers-là pour les djinns et pour les hommes. Et donc, c'est un discours qui s'adresse à tous les hommes, que ce soit des djinns ou que ce soit des êtres humains, parce que le message du messager est général. pour tous les hommes jusqu'au jour de la résurrection. Et bien entendu, on parle du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est lui qui est le dernier. C'est lui dont le message ou la prophétie ou la mission s'étale jusqu'à la fin des temps. Tandis que les messagers précédents, leur mission se limitait uniquement à une période bien précise et à un peuple bien précis et bien spécifique. Naam. Rasoulan. Donc, quand il dit nous avons envoyé vers vous un messager. Arsalna ilaykum rasoulan. Et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shahidan alaykum. Comme témoin contre vous. Hein? En arabe, si tu veux dire un témoin contre quelqu'un, tu dis ala. Si tu veux dire pour quelqu'un, tu dis li. Hein? Lakum. Donc, shahidan lakum, des témoins pour vous. Shahidan alaykum, témoin contre vous. Hein? Et ici, il dit shahidan alaykum. Donc, c'est un témoin contre vous. Donc, c'est-à-dire, il va témoigner à votre sujet au jour de la résurrection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il va être témoin au jour de la résurrection du fait qu'il a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous l'a transmis. Et il a établi la preuve contre vous. Donc vous n'avez plus d'excuses, vous n'avez plus de prétexte du moment que vous avez reçu le message. Et donc, ça c'est un des buts de la mission du prophète. Et il mentionne le verset 165 dans Sourate An-Nisa qui vient confirmer ça ou rajouter de la clarification sur ce point-là. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Rusulan mubashirina wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. C'est-à-dire les messagers sont envoyés comme annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs contre un châtiment ou d'un châtiment pour qu'il n'y ait plus de preuves pour les hommes. Hein, pour que les hommes n'aient plus de preuves devant Allah subhanahu wa ta'ala après le fait qu'il ait envoyé les messagers. C'est-à-dire une fois qu'Allah a envoyé les messagers, il n'y a plus de hujjah, il n'y a plus de preuves pour eux. C'est-à-dire ils n'ont plus d'arguments contre Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ces messagers-là et par ces messagers, il a établi la preuve contre eux. Annonciateur de bonnes nouvelles, Mubashirin, qui vient de Bushra. Hein? Al-Bushra, ça veut dire la bonne nouvelle. Et le verset, c'est le verset 165 dans Sourate An-Nisa. Et ça, c'est un verset très important aussi. Hein, pour montrer que le but d'avoir envoyé les messagers, pourquoi Allah a envoyé les messagers, c'est pour établir la preuve contre nous. Et pour que les hommes n'aient plus d'excuses au jour de la résurrection. Hein, ils peuvent pas dire par la suite, ah, mais on savait pas, on n'avait pas entendu le message, on n'avait pas reçu de messager. Hein? Donc le cheikh il explique ça justement. Il dit Fala ahadun yani fala ahadun yawm al-qiyama yaqul ana lam adri annahu makhluq anni makhluqun lil-ibada ana lam adri ma yajibu alayya wa lam adri ma yahrumu alayya wa la yumkin an yaqula hadha لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغتهم لأن الرسل قد بلغتهم وهذه الأمة المحمدية تشهد عليهم قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة يوم القيامة أن رسلها بلغتها رسالات الله بما يجدونه من كتاب الله عز وجل لأن الله قص علينا نبأ الأمم السابقة والرسل ما قالوه لأمم ما والرسل وما قالوه لأممهم كل هذا عرفناه من كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Donc il y a personne au jour de la résurrection qui va pouvoir dire moi je savais pas pourquoi je t'ai créé, moi je savais pas qu'est-ce qui était obligatoire, moi je savais pas qu'est-ce qui était interdit pour moi. Hein, ça c'est pas possible pour quelqu'un de dire ça, dans le sens que le message il a été transmis et la révélation elle est venue à l'humanité, d'accord? Et les messagers ont été envoyés pour ça, pour que le message soit transmis. Hein? Et même la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera témoin contre le reste des hommes au jour de la résurrection. Bien entendu, ici il y a un point à rajouter par rapport à ça, c'est que s'il y a des peuples par exemple, ou des endroits sur la terre où les gens n'ont pas entendu parler de l'islam, où les gens connaissent rien de la religion, de l'islam et du tawhid, ils ont jamais entendu parler des messagers d'Allah, hein, et bien entendu ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va les juger d'un jugement spécial au jour de la résurrection, comme c'est mentionné dans des hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ça dans un hadith, il dit que il y a cette catégorie de personnes qui auront une épreuve spécifique au jour de la résurrection, puisqu'ils n'ont pas reçu de messager, ou ils n'ont pas entendu parler du messager dans cette dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. C'est-à-dire, et nous n'allons pas punir les hommes jusqu'à ce qu'ils aient reçu un messager, ou jusqu'à ce qu'un messager soit envoyé. Donc les peuples qui n'ont pas reçu de messager, ou qui n'ont pas entendu parler du message du tout, ceux-là seront excusés par rapport à leur ignorance, et ils auront un jugement spécifique, ou spécial, ou particulier. Pas encore. Wallahu a'lam. Mais il y a encore des endroits sur la terre où des gens n'ont pas encore, où ils n'ont pas l'électricité, par exemple. Ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas des moyens technologiques. Hein? Donc, eux, ils n'ont pas entendu parler de l'islam. Et même ceux qui ont une télévision, ou qui ont des moyens techniques parfois, ils ont entendu parler de l'islam, mais pas d'une manière claire, et pas d'une manière qui leur permet de comprendre, de croire qu'est-ce que c'est, de croire en l'islam, et de comprendre qu'est-ce que c'est réellement l'islam. Souvent, qu'est-ce que la télévision transmet, justement, c'est le contraire de l'islam. C'est-à-dire, quand ils parlent de l'islam, ils disent des choses au sujet de l'islam pour faire fuir les gens, et pas pour les attirer à l'islam. D'accord? Donc, d'une certaine manière, on peut dire que oui, par la télé, par les médias, la majorité des hommes ont entendu parler de l'islam, ont entendu parler qu'il y a un Coran ou qu'il y a un prophète qui s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que ça, c'est suffisant pour établir contre eux la preuve? Hein? Donc, ça, c'est ça la question. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils doivent savoir? C'est pas juste qu'on leur donne l'information que le messager est venu, mais qu'on leur explique qu'est-ce que c'est le message de ce messager-là dans sa réalité, et qu'on leur clarifie ça. Et c'est ça que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait lorsqu'il allait voir les hommes, lorsqu'il allait voir Quraysh, lorsqu'il allait voir d'autres tribus, lorsqu'il appelait les gens à l'islam. Il faisait pas juste leur dire accepter l'islam, ou croyant en l'islam, ou je suis le messager d'Allah. Il leur expliquait qu'est-ce que c'est l'islam, et qu'est-ce que ça implique d'eux, et qu'est-ce que ça demande d'eux, et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est sa mission, ainsi de suite. Et il leur récitait le livre d'Allah. Donc, quand il leur récitait le Coran, c'était pas comme nous aujourd'hui, par exemple, on entend réciter le Coran si on n'est pas arabe, puis on fait juste entendre le son, mais on comprend pas qu'est-ce que ça implique ou qu'est-ce que ça signifie, tandis que les Arabes, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était dans leur langue, c'était leur langue à eux, et ils comprenaient clairement qu'est-ce qui était mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets-là. Et ça avait un impact et un effet direct sur eux. Donc c'est pas pareil comme aujourd'hui, si tu t'assois, par exemple, ou si tu restes dans la rue ou dans le métro, puis que tu récites le Coran en arabe, et que les gens sont en train de passer, par exemple, et qu'ils entendent le Coran en arabe, ils vont pas être affectés par ça parce qu'ils ne comprennent pas l'arabe. Wa alaykoum salam. Peut-être qu'ils vont trouver que c'est un beau son, ou ils vont trouver que c'est une belle tonalité, ou une belle récitation. une belle voix de la personne, mais ils vont peut-être pas comprendre c'est qu'est-ce qui est derrière. Donc c'est pas juste d'entendre ça, mais de le comprendre et de l'accepter et de croire en ça. Allahu a'lam. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Il dit par celui qui tient mon âme en sa main, il n'y a pas un juif ou un chrétien de cette umma qui entend parler de moi, puis qui ne s'est pas converti ou qui n'a pas cru en ce que j'ai amené, et qui meurt sans avoir cru en ce que j'ai amené, excepté qu'il sera parmi les gens de l'enfer. Donc ça, c'est un hadith sahih, authentique, rapporté par l'imam muslim dans son sahih. Et ça vient confirmer que les juifs et les chrétiens qui n'ont pas cru avant leur mort en l'islam, ou n'importe quel autre mouchrik ou kafir qui meurt sans avoir accepté l'islam, alors qu'il l'a entendu et qu'il a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc accepter qu'il sera dans l'enfer. Parce que d'un côté, il y a le fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que d'un côté, il y a le fait que le kafir qui entend parler de l'islam, il a une part de responsabilité aussi. C'est-à-dire le musulman, il a une part de responsabilité, c'est de transmettre l'islam au kuffar. Le kafir, de son côté, lui aussi, il a une part de responsabilité du fait que du moment qu'il entend parler de l'islam et du Coran et de la religion d'Allah, il doit chercher à se renseigner sur la vérité et à connaître l'islam. Donc, on peut dire qu'il y a une double part de responsabilité ici. Et il y a des exemples de ça à l'époque même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où certains d'entre les sahaba, avant d'avoir accepté l'islam, ils étaient juifs ou chrétiens. Et il y a l'histoire de Salman al-Farisi, qui est une belle histoire justement, qui montre ça. C'est que lorsqu'il a entendu parler de l'islam, il n'est pas juste resté comme ça, puis dire « Ah, ben, il y a un prophète, oui, j'ai entendu dire qu'il y a un prophète », et resté comme ça assis. Non, il a cherché à savoir où il est, puis aller lui poser la question « Qu'est-ce que c'est ta religion, c'est quoi le message ?» Donc, le kafir, s'il entend parler de l'islam, et qu'on lui dit des choses sur l'islam, c'est sûr que c'est pas suffisant nécessairement pour l'amener à croire ou à être convaincu de ce message. Toutefois, c'est à partir de ce moment-là, il a aussi une responsabilité, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que c'est, puis à essayer de se renseigner sur l'islam, d'aller à la bibliothèque ou bien d'aller quelque part, aller chercher des livres, aller demander dans des centres islamiques ou dans des mosquées, se renseigner sur l'islam, qu'est-ce que c'est quoi votre religion, c'est quoi votre message. Et ça, c'est sûr que s'ils sont complètement désintéressés de la vérité et ils cherchent même pas à comprendre ou à savoir ou à chercher, c'est sûr que dans ce cas-là, ils n'auront pas d'excuses parce qu'ils n'ont fait aucun effort. Allahu a'lam. Donc le cheikh ici, il dit هذه الأمة, donc il mentionne le verset 143 dans sourate al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est ainsi que nous avons fait de vous une umma qui est équilibré et bien centré, juste milieu, c'est-à-dire qui est sur le juste milieu, sur la vérité, entre les égarements des égarés et entre les extrêmes des extrémistes et entre le laxisme des laxistes, ceux qui veulent ajouter trop, ceux qui veulent enlever, ainsi de suite. Donc, on est sur le droit chemin, sur le juste milieu. Et il dit pour que vous soyez témoins contre les hommes. Donc, c'est-à-dire que cette umma, au jour de la résurrection, sera témoin contre les autres peuples qui sont sur la terre, qui ont cru en d'autres choses que l'islam. Et pour que le messager soit un témoin contre vous. Donc le cheikh, il explique ce verset-là en disant que cette umma, elle va témoigner contre les peuples qui nous ont précédés au jour de la résurrection. Que le messager ou que les messagers ont transmis correctement les messages d'Allah. Donc la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va témoigner contre les autres nations qui sont venues précédemment sur le fait que notre umma, que les messagers ont bien transmis le message d'Allah. Et ils vont se baser là-dessus sur ce qui est mentionné dans le livre d'Allah, donc dans le Coran. Du fait que Allah mentionne dans le Coran que les messagers précédents ont vraiment bien transmis le message d'Allah. Hein? Puisque dans le Coran, il nous mentionne les histoires et qu'est-ce qui est arrivé au peuple précédent. Et ce que les messagers ont dit à leur peuple. Donc, à cause de ça, les musulmans seront témoins contre les autres peuples précédents. Kulluhada, et tout ça, on l'a su par rapport à qu'est-ce qui est dans le livre d'Allah. Et c'est un livre hein, qu'aucune fausseté ne peut approcher, ni par devant, ni par derrière. Et c'est une révélation d'un sage digne de louange, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu ar-rasul, wa huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ya ummata Muhammadin, shahidan, yashhadu alaykum inda Allah, annahu aqama alayhim al-hujjah, wa balaghakum ar-risalah, wa nasahakum fillah. فلا حجة لأحد يوم القيامة بأن يقول ما بلغني شيء ما جاءني نذير حتى الكفار يعترفون عندما يعني يلقون في النار قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير يقولون للرسل أنتم في ضلال فهم يكذبون الرسل ويضللونهم. Donc ici on voit que le cheikh explique quand il Allah dit liyakun ar-rasul wa yakun ar-rasul pour que le messager c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit un témoin contre vous ô umma de Muhammad. Il sera témoin ya umma de Muhammad shahidan. Donc il dit il va témoigner auprès d'Allah contre vous. Qu'il a établi contre vous la preuve et qu'il vous a transmis le message et qu'il a été sincère pour vous. Il a été sincère envers vous pour Allah subhanahu wa ta'ala et en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a aucune preuve, aucun argument pour vous au jour de la résurrection si vous n'avez pas cru en lui ou accepté le message d'Allah. Parce qu'il vous a transmis. Et personne ne peut dire donc, moi j'ai rien reçu, moi il n'y a rien qui m'est arrivé, moi j'ai pas reçu d'avertisseur. Même les koufars, lorsqu'ils sont jetés dans l'enfer, ils vont témoigner, ils vont dire oui, on a reçu le message. Hein? Comme dans le verset 8 et 9, dans Surat al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, chaque fois qu'un groupe est jeté en enfer, les gardiens de l'enfer leur demandent, ألم يأتكم نذير؟ N'est-ce pas qu'un nazir, un avertisseur, vous avez été envoyé? Et ils répondent, ils disent certes oui. Hein? Bala, قد جاءنا نذير. Oui, un avertisseur nous est venu. فكذبنا, mais nous l'avons traité de menteur. وقلنا ما نزل الله من شيء. Et nous avons nié. Nous avons dit, non, Allah n'a rien fait descendre, n'a rien révélé. In antum illa fi dhalalin kabir. Et ils disaient, les mécréants, ils disaient quoi? Vous n'êtes que dans un égarement. Hein? Vous n'êtes que dans un grand égarement. Ça, c'est la parole des mécréants aux messagers et comment ils répondaient aux croyants et à ceux qui ont cru aux messagers. Ils disaient, ça c'est le verset 8 et 9. Dans Surat al-Mulk. Il disait, vous êtes que dans l'égarement, dans un grand égarement. Et encore aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent aux croyants. Les koufars disent aux croyants, vous êtes dans l'égarement. Hein? Alors que ce sont eux qui sont dans l'égarement. Et le cheikh, il dit, وَهَذِي الْحِكْمَةِ فِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ إِقَامَةُ الْحُجَّةِ عَلَى الْعِبَادِ وَهِدَايَةُ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ هِدَايَتَهُ الرسل يهدي الله بهم من يشاء ويقيم الحجة على من عاند وجحد وكفر. Donc le cheikh explique, il dit, ça c'est la sagesse dans le fait d'avoir envoyé les messagers, d'établir la preuve contre les serviteurs et de guider celui qui veut être guidé. Donc ça c'est pourquoi Allah a envoyé les messagers. Il y a une sagesse là-dedans. C'est pour établir la preuve contre les serviteurs, pour que la preuve soit établie. Comme ça, au jour de la résurrection, personne n'a d'excuse devant Allah. Personne ne peut dire, non, moi je ne savais pas, moi je n'ai pas reçu le message. Non, le message il a été transmis. Et pour guider celui qui veut être guidé, parce que parmi les êtres humains, il y en a qui cherchent la vérité, il y en a qui veulent la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui veut rejeter ou qui veulent être kuffar ou qui veulent le kuffre. Il y a parmi les hommes, peu importe leur origine, peu importe leur race, peu importe leur langue, leur couleur, il y en a parmi les hommes qui aiment le haqq, qui aiment la vérité et qui veulent l'entendre et qui le cherchent. Hein? Et c'est pour cette raison-là que le messager, il transmet le message d'Allah tel qu'il est. Pour ceux qui veulent être guidés, celui qui est guidé, c'est un bien pour lui. Et celui qui veut pas suivre la vérité et qui veut pas, alaykoum salam, et qui veut pas être guidé, eh bien, au moins, on peut dire que la preuve a été établie contre lui. La preuve a été établie contre lui. Et le cheikh, il dit que Allah guide par les messagers qui il veut. Et il établit la preuve contre celui qui s'est enflé d'orgueil et qui s'est opposé et qui a nié et qui a rejeté la vérité. Ok? Anada wa jahada wa kafara. Donc ça c'est important de le comprendre, parce qu'il y a des gens qui disent, ou il y a des musulmans parfois qui disent, ah mais ça sert à rien de parler aux kuffars de l'islam parce qu'ils croient, ils acceptent pas l'islam. Donc ça c'est la preuve qu'ils ont rien compris. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé le messager, il leur a pas dit, voici, appelle-les à l'islam, ils vont tous accepter. Non. Hein? La preuve, c'est que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a des hommes, il y a des messagers qui vont arriver au jour de la résurrection, il n'y aura personne avec eux. Hein? Rasul al-Nabi, laysa ma'ahu ahad. Il y en a des prophètes, ils vont venir, il y a juste un ou deux hommes qui ont cru en lui. Un homme ou deux qui ont cru en lui seulement. Et il y en a une autre, d'autres prophètes qui vont venir, laysa ma'ahu ahad. Personne avec lui. Donc, le but du messager, c'est pas d'accumuler le nombre de personnes ou de calculer le nombre ou de voir qui va accepter, qui va pas accepter. C'est de transmettre le message. Et celui qui croit, tant mieux pour lui. Alhamdulillah. Et celui qui rejette, la preuve a été établie contre lui. Il n'a plus d'excuses au jour de la résurrection pour pas avoir cru. Ensuite, le cheikh, il explique un autre point, ensuite il dit كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. Il explique la suite du verset. Comme nous avions envoyé à Pharaon un messager. Donc, nous avons envoyé vers vous un messager comme témoin contre vous, de la même manière qu'on avait envoyé un messager à Pharaon. Le cheikh il dit, الرسول هو موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون هو الملك الجبار في مصر الذي ادعى الربوبية وفرعون لقب لكل ملك لكل ملك مصر يقال له فرعون والمراد به هنا فرعون الذي ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى فعصى فرعون الرسول وهو موسى كفر به فرعون كما قص الله في كتابه ما جرى بين موسى وفرعون وما انتهى إليه أمر فرعون وقومه. Donc le cheikh explique, il dit, donc le messager qui a été envoyé à Pharaon, c'était Moussa, alayhi salam. Et Pharaon, c'était le roi de l'Égypte antique, un des rois de l'Égypte antique. Et il a prétendu même être divin, ou avoir la souveraineté divine. Et Pharaon, c'est un titre qu'on donne à tous les rois de l'Égypte. C'est pas un nom propre. C'est pas un nom propre, Pharaon. C'est pas un nom propre. C'est un titre qu'on donnait à toute personne qui était au pouvoir en Égypte dans l'Antiquité. Et quand on parle de Pharaon dans le Coran, celui à qui Moussa est venu, on parle du Pharaon, du Pharaon particulier à cette histoire-là, qui a prétendu être divin ou avoir la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se prétendait Allah, ou se prétendait divin. Il a dit, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Il dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Et ça, c'est dans le verset, dans Surat al-Zariyat, le verset 24. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il dit, فَعَصَى فِرْعَوْنَ. Donc, Pharaon a désobéi au messager. Il a désobéi à Moussa. كَفَرَ بِهِ. كَفَرَ بِهِ فِرْعَوْنَ. Pharaon a refusé de croire en Moussa. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans son livre, il a expliqué qu'est-ce qui est arrivé entre Moussa et Pharaon. Et qu'est-ce qui a été la conclusion de Pharaon et de son peuple. فَأَخَذْنَاهُ أَيْ أَخَذْنَا فِرْعَوْنَ بِالْعُقُوبَةِ وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ أَغْرَقَهُ هُوَ وَقَوْمُهُ فِي الْبَحْرِ ثُمَّ أَدْخَلَهُمُ النَّارِ مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَصَارَ فِي النَّارِ فِي الْبَرْزَخِ. قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في البرزخ قبل الآخرة يعرضون على النار صباحا ومساء إلى أن تقوم الساعة هذا دليل على عذاب القبر والعياذ بالله ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala l'a attrapé, il l'a saisi. Il a saisi Pharaon par le châtiment. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait noyer, lui ainsi que son peuple, dans la mer rouge. Hein? Et Allah l'a fait rentrer dans le feu. Et il mentionne cette histoire-là dans le verset 25, dans Surat Nuh, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, à cause de ses péchés, il a été noyé et on l'a fait rentrer dans le feu. Donc, il est rentré dans le feu. Il est actuellement dans le feu, dans le barzakh. Le barzakh, c'est quoi? C'est une place entre ce monde et l'au-delà. C'est comme un endroit où on attend la résurrection et le jugement. Hein? Après la mort, quand on est dans notre tombe, on est dans le barzakh. On appelle ça en arabe le barzakh, c'est-à-dire une barrière. Hein? Non, c'est pas là qu'il y a l'enfer, mais dans le sens que il y a un châtiment de la tombe, et dans ce châtiment de la tombe, quelqu'un est présenté à l'enfer. S'il a fait ce châtiment-là, on le présente à l'enfer matin et soir. Comme Pharaon s'est mentionné à son sujet dans ce verset-là, il y a une fenêtre qui s'ouvre et dans laquelle il voit l'enfer et il reçoit de la chaleur de l'enfer ainsi que de wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ainsi que de la fumée de l'enfer aussi. Yani Allahu a'lam, les détails je peux pas parler, mais qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith, c'est qu'il y a une fenêtre de l'enfer qui s'ouvre et il en reçoit de la chaleur et de la fumée, mais d'autres détails que ça on connaît pas. Puis qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala donc a saisi Pharaon et il l'a fait rentrer dans cette dunya. Il a eu le châtiment du fait qu'il a été noyé, lui et son peuple, et au jour de la résurrection il va être dans le feu. Puis il dit que il est dans le barzakh, même dans le barzakh il est dans le feu. Et il dit justement dans le verset 46 dans surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ils sont présentés au feu matin et soir. Ça, c'est dans le barzakh avant l'au-delà. Ils sont présentés au feu matin et soir jusqu'à ce que l'heure du jugement dernier arrive. Et donc, ça, c'est une preuve du châtiment de la tombe. Voilà, iyadhu billah. Et il dit par la suite, dans le même verset, verset 46, dans Surat Ghafir, il dit وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا أَلَى فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. C'est-à-dire, ils sont présentés au feu matin et soir, et le jour où l'heure du jugement sera établie, on va faire rentrer la famille de Pharaon ou les gens qui ont suivi Pharaon au plus dur châtiment. Donc ça veut dire que le châtiment qu'il a maintenant, ça c'est avant le jugement dernier. Et au jour de la au jour du jugement dernier, ou après l'heure du jugement, il sera dans l'enfer, c'est-à-dire dans le plus dur châtiment. Donc le cheikh explique, il résume ça en disant que ce sont trois châtiments que Pharaon a reçus, ou qu'il a reçu ou qu'il va recevoir. Il dit: هذه ثلاث عقوبات. الأولى أن الله أغرقهم ومحاهم عن آخرهم في لحظة واحدة. والثانية أنهم يعذبون في البرزخ إلى أن تقوم الساعة. الثالثة أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يدخلون أشد العذاب أو يدخلون أشد العذاب والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que premièrement, premier châtiment, c'est que ils ont été tous noyés. Et Allah les a tous noyés, hein, du premier au dernier, dans un seul instant. Deuxième châtiment, c'est qu'il les châtie dans le barzakh, jusqu'au jour de la résurrection. Dans l'attente du jugement, ils sont châtiés dans leur tombe. Et troisièmement, ils seront ressuscités, lorsqu'ils seront ressuscités, et rassemblés au jour de la résurrection, ils vont rentrer au plus dur châtiment, là, c'est-à-dire l'enfer. Et le cheikh dit: وكذلك من عصى محمد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن مآله أشد من مآل قوم فرعون لأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل فمن عصاه تكون عقوبته أشد. Donc le cheikh explique que la même chose pour celui qui désobéit ou qui refuse de croire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa destination et sa conclusion sera la même que celle du peuple de Pharaon, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur des messagers, et donc celui qui le désobéit, son châtiment sera plus dur encore que celui du peuple de Pharaon. Le châtiment de ceux qui ont refusé de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera plus grand que le châtiment de ceux qui ont refusé de croire en Moussa alayhi salam, parce que le message du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est plus clair et meilleur que celui du prophète Moussa alayhi salam, puisque le meilleur des messagers c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il termine le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, en disant akhdan wa bila, shadidan qawiyan la hada wa tafihi, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il le prend d'une manière dure, d'une manière forte, d'une manière qui est sévère. Il n'y a pas de douceur dans cette façon de le saisir et de le prendre, celui qui a rejeté la foi. Et il dit wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima in akhdhahu alimun shadid. Ça c'est le verset 102 dans sourate Hud. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala décrit comment il saisit les peuples mécréants et les nations mécréantes et les villages ou les villes injustes. Il dit: et c'est ainsi que ton Seigneur saisit les peuples injustes lorsqu'ils sont injustes, et sa façon de les saisir est dure et sévère. On voit qu'est-ce qu'il fait, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il saisit des peuples par un châtiment dans cette dunya. Et comment il est sévère et dur lorsqu'il les saisit. فَهَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَىٰ مِنَّةِ اللَّهِ عَلَيْنَا بِإِرْسَالِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إلينا وَأَنَّ الْغَرَضِ مِنْ إِرْسَالِهِ أَنْ يُبَيِّنَ لَنَا طَرِيقَ الْعِبَادَةِ فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كما دخل آل فرعون النار لما عصوا رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام وكذلك أعداء الرسل كلهم هذا سبيلهم وهذا طريقهم. Donc le cheikh il dit ce verset là, donc il nous montre la faveur que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait de nous avoir envoyé des messagers, et en particulier de nous avoir envoyé à nous le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que le but de l'avoir envoyé c'est de nous clarifier la voie de l'adoration. Celui qui l'obéit, il entre au paradis, et celui qui lui désobéit, il entre en enfer. Et il entre en enfer de la même manière que le peuple de Pharaon, ou ceux qui ont suivi Pharaon, entrent en enfer lorsqu'ils ont désobéi à leur messager Moussa, alayhi salatu wassalam. Et c'est ainsi pour tous les ennemis des messagers. Tous les ennemis des messagers, c'est leur destination, et c'est leur voie, et c'est leur façon. Donc, le cheikh explique ensuite la deuxième partie. La deuxième partie de cette introduction. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maïga, ça va, akhi? Alhamdulillah. Donc, le cheikh, il nous explique maintenant le deuxième point dans cette deuxième partie de l'introduction de Al-Usul al-Salata. Il dit, Allahu la yarda, Allah subhanahu wa ta'ala, la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahad. Ça, c'est un point très important. C'est la base de l'islam. C'est tawhid al-ibadah, tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. Ça, c'est le deuxième point dans cette deuxième partie. Le point, ça dit quoi? Ça dit أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته. لا يرضى أن يشرك معه أحد غيره في عبادته. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Ça c'est le point qui est mentionné, c'est-à-dire que Allah n'est pas Allah n'agrée pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui autre que lui dans l'adoration, ni un ange rapproché, la malakun muqarrab wa la nabiyun mursal, ni un prophète envoyé. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'associer rien avec Allah dans l'adoration, ni un ange, en invoquant un ange, ou ni un messager envoyé par Allah. On n'a pas le droit d'associer rien avec Allah, ni un ange, ni un messager, ou toute autre chose, on n'a pas le droit d'associer avec Allah dans l'adoration. Et la preuve de ça, c'est le verset 18 dans Surat al-Jinn. Et certes, les mosquées ou les lieux d'adoration appartiennent à Allah, alors n'invoquez personne avec Allah. On va expliquer tout ça en détail par la suite. Donc le cheikh, il commence par expliquer la première phrase dans cette réponse, que Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas ou n'est pas satisfait qu'on associe quoi que ce soit avec lui dans son adoration. Donc le cheikh Al-Fawzan, il dit « هذه المسألة متعلقة بالمسألة الأولى لأن الأولى هي بيان وجود عبادة الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معنى الشهادتين معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله المسألة الثانية أن العبادة إذا خلطها الشرك فإنها لا تقبل لأنه لا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى فمن عبد الله وعبد معه غيره فعبادته باطلة ووجودها كعدمها لأن العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والتوحيد فإذا خالطها شرك فسدت كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Donc le cheikh explique que dans ce point, le premier point était, ce point-là, il est relié au premier point. Le premier point, c'était quoi? L'explication de l'obligation d'adorer Allah et de suivre le messager. Et ça, c'est la signification de « La ilaha illallah » et de « Muhammad Rasulullah » puisque « La ilaha illallah », ça signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et le témoignage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça signifie d'obéir au messager et que c'est une condition dans la foi. Le deuxième point maintenant, c'est que l'adoration, si elle est mélangée avec du shirk, si notre adoration, il y a une forme quelconque de shirk qui est mélangée avec, elle ne sera pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que notre adoration, elle doit être pure pour Allah seul, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Et donc quiconque adore Allah subhanahu wa ta'ala, puis il adore avec Allah d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, alors son adoration, elle est fausse, elle est batila, elle est invalable, elle est invalide, elle n'a aucune valeur. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et sa présence, elle est comme son absence. C'est-à-dire, le fait qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, c'est pareil, c'est équivalent. Hein? C'est équivalent parce que elle n'est pas acceptée, elle n'est pas valable. Et il dit que l'adoration, elle ne sera bénéfique que si elle est accompagnée de pureté et d'ikhlas et de tawhid. Et que si elle est mélangée avec du shirk, eh bien cette adoration, elle devient nulle, elle devient vaine. Et la preuve de ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 65 dans surat Az-Zumar. Et ça, c'est une preuve importante par rapport au tawhid, pour montrer hein, que l'adoration qui est accompagnée de shirk, elle n'est pas valable ou qu'elle est nulle. C'est le verset 65 dans surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons certes révélé, hein, nous t'avons certes révélé à toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à ceux qui étaient envoyés avant toi, c'est-à-dire les autres messagers, on leur a révélé à eux aussi, que si tu fais le shirk, toutes tes œuvres vont être vaines. Ton œuvre sera vaine, au complet. Et tu seras du nombre des perdants. Tu seras certes du nombre des perdants, sans aucun doute. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لَتَكُونَنَّ Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas وَلَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, il dit وَلَتَكُونَنَّ. Donc c'est pour renforcer encore plus que c'est certain que tu vas être parmi les perdants, hein, si tu fais du shirk. Hein? Donc ce verset-là, c'est très important. Le Cheikh dit: وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا خالط الشرك العبادة أفسدها كما أن الطهارة إذا خلطها ناقد من نواقض الوضوء أفسدها وأبطلها ولهذا يجمع الله في كثير من الآيات بين الأمر بعبادته والنهي عن الشرك. Donc le cheikh il dit, donc on va s'arrêter pour le adhan, on va finir après inshallah. Donc comme on disait, le cheikh il explique, il dit que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Et si tu faisais le shirk, hein, ou s'ils avaient fait le shirk, ça c'est dans un autre verset, c'est le même sens, verset 88 dans surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils avaient commis du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala aurait complètement annulé tout ce qu'ils auraient accompli comme action, comme œuvre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il explique que si une adoration sont faites, il y a du shirk dedans, en réalité, c'est pas du shirk. L'adoration est uniquement appelée adoration lorsqu'elle est faite avec tawhid. Si dans notre adoration il y a du shirk, on l'appelle pas adoration. C'est pas une ibada. Il dit c'est comme la prière. Elle ne peut pas être une salat. La salat que tu fais, elle sera pas acceptée, elle sera pas valable comme étant une salat, excepté si elle est faite avec pureté, avec tahara. Si t'as pas fait ton wudu, ta prière sera pas valable. Le cheikh il dit, si une adoration que tu fais, il y a du shirk dedans, elle rend ton adoration vaine et nulle. C'est comme la pureté. Lorsque tu t'es purifié, que t'as fait ton wudu, si après avoir fait ton wudu, t'as eu un gaz, ou bien tu vas aux toilettes, t'as uriné, ou bien autre, eh bien, ça annule ton wudu. Ça détruit ton wudu. La même chose que si tu dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, puis après avoir dit ça, tu commets un acte de shirk, ou tu dis une parole de shirk, tu invoques un mort, ou tu invoques un prophète, ou tu invoques un ange en dehors d'Allah, ça c'est du shirk, ça vient détruire ton tawhid. Ça détruit ton témoignage de la ilaha illallah, ça n'a, son témoignage n'a plus de valeur. Il est détruit. Comme ta pureté, lorsque tu as eu un gaz après avoir fait le wudu, ça détruit ton wudu. Donc c'est la même chose. Si tu es sûr, si tu es en état de pureté, tu fais quelque chose qui détruit ton état de pureté, ça détruit ton wudu, ta pureté. La même chose, si tu dis la ilaha illallah, puis qu'après tu commets un acte de shirk, ou tu dis une parole de shirk, ça détruit ton tawhid. Ça annule ton tawhid. Donc c'est pas comme certains musulmans aujourd'hui, ils ont compris que tu dis la ilaha illallah, ça y est. Hein, c'est comme si tu avais un sceau qui fait que tu es musulman, et que ça c'est inscrit dans ton code génétique, et que ça va se transmettre jusqu'à ta descendance, jusqu'à 10 ou 15 générations, sans jamais que tu puisses t'en débarrasser. Non. Du moment que tu dis la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, que tu sais ce que ça signifie, tu l'acceptes, tu deviens musulman. Si tu as fait quelque chose qui vient en contradiction avec la ilaha illallah dans tes paroles ou dans tes actions, ça annule ton témoignage de la ilaha illallah, peu importe combien de générations de tes ancêtres étaient musulmans, et puis ça fait en sorte que ton tawhid il est nul, il est vain. Et il faut renouveler ton tawhid, renouveler ton shahada, pour que ton shahada ait une valeur encore à nouveau. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et demain on continuera la suite de cette explication, inshallah, avec la mention des versets et des preuves à ce sujet-là. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.